بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن خذ العارفين وعن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين، أما بعد، ginnabu sante yalla kon julit yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi delu ci kon ci terre bi manti terre bu am solo bo ma kon ku moy al-kunuzul ashara bu sayyidna wa maulana al-imam al-muazzam al-sheikh salahuddin atijani alayhi ridwanu rabbani terre bobu comme ñun ko gissone nañu al-kanzul awwal ci la ñekkon manam kanzu bu ñëkk bi manam kon kanzu moy trésor donc ci 10 trésor yi lay wax kon dafa jël ci li aju ci haqaiqi ak ma'arifi anam mu def ci ab téré bo xamantene téré bu am solo la mu dajalé ko mu nek fukki tom yo xamantene daf ci traité kon sujet yoyu kanta ki bu ñëk bi tom bu ñëk bi ci lañ nekkon moy mom la tudde won al-kanzu awwal bo gisoon nañ ci al itlaq wa taqyid lool parti mom gisoon nañ ko ba jallon nañ ko ba lepp li nga xamantene aju won na ci loolu leeron na wala alhamdulillah na koku mom teggoon nako mu desson ñu gisoon tamit li nga xamne mom moy awalimul insan fofu lañ tollon awalimul insan manam moy li aju ci nit ñi doomu adama borom subhanahu wa ta'ala bimu ko sakke dafa am ay aduna yo xamantene daf ko bindu ci mom manam doomu adama du ben element kesse bu nekk ni mais dafa am ay univers yo xamantene mom la yalla dexeñ ci biram ce qui veut dire que doomu adama dafa touti ni ci jëmum mais haqiqam moy realitym ak li nga xamantene mom mo aju ci ay mbirum manam du bari la te lu reuy la bon bok na ci aduna yi nga xamantene mom lañu gissoon mom moy gissoon nañu yaram al jismu gissoon nañu xol al qalbu gissoon nañu bakan al nafsu gissoon nañu ruh moy l'esprit ruh gissoon nañu al aqlu ba gis al aqlu moy xel mais gisoon nañu leneen lo xamantene ci bir al aqlu manam leneen lo xamantene mom moy al aqlu sami moy xel mu reuy mi xel mi nga xamantene moy xel mu reuy mi te moy xol manam ci xol la nek xel deug liñ nane xel deug vraie intelligence nekul ci bop nekul ci yuur ci mais ci xol gi la nek mais lolu tamit ak li nga xamantene mom mo ci aji won ci walu gogou gisoon nañ ko ba gisoon ci yu mujji manam ni borom subhanahu wa ta'ala di jele yenn xol yi sax diko bo gisoon nañ tamit de moy al mawt de nga legi gisoon nañu ci xol yi nga xamantene mom moy xol ni borom bi def ba yenn xol yi sax mu diko deppele yenn xol yonnati yaari sallallahu alayhi wasallam ak yoy bon lolu yoy par contre lolu ci lañ neko ci development yi ci wa ahlu di wa ak manam ponkal yi afrad yi mafatih yi mafatih kunuz wa ahlul itlaq et cetera legui dañuy gis li ñu tuddé alamul khayal ci jotay bi mujjé def ci kunuz il y a quelques mois gisoon nañu alamul khayal tambalé won nañ début bi mais comme ya karna quelques phrases rek lañ ci jotona wax motax dañ koy tambali wat manam alamul khayal ak aduna la moy aduna janer manam aduna janer al khayal moy janer manam moy lo xamantene dañ lay jox image ben affaire lo xamantene en realité existé wul mais mu melne existé na lool moy khayal moy liñu wax ci tubab fiction voilà donc alamul khayal mom ci tubab dañ ko wax le monde imaginal voilà le monde imaginal lañ ko wax ci tubab voilà le monde de la fiction. Manam kon nit ci biram amna lu ñuy tuddé al khayal moy fiction mais haqiqatan alamul khayal aduna la bo xamantene aduna bu reey bu doy war la borom xam borom wali yi manam aarif billahi parce que alamul khayal xam xam la bo xam dene li ci aju ci xéti xam xam ñi nga xamne ñom ñoy aarif billahi ñom ñoko xam ñom ñoko xam ñom ño comprendre saisi li ci nek même bu fekente ne ñeneen ñi dul aarif yi dinañ ci am yenn notion parce que mënuñ ko wéddi manam tay mënuma wéddi lo xamantene c'est juste imaginal comme ça c'est imagé mais ça n'a pas une réalité amul réalité ci biti lool mënuma ko wéddi parce que lutax parce que suma nelaw dina gënt te gënt gogou xamna ne nekul ci réalité bi ni mais benen réalité la nek manam moy suma jëm tay bu may nelaw gis ngeen damay gis moy gënt yu béré bari yo xamantene man xamna ne amul fi ni deug deug voilà comme par exemple mu gënt di daw ay xel yo xamantene mu leer ma ni man manuma dawe ni te duma sonu lolu voilà wala moy gënt di top ay di naw wala may def lo xamantene dans la réalité manumako wala ma gënt tout simplement am sama benn jëm bu nek États-Unis benen jëm ji nek Inde etc mama nek fi ni ba paré nek ci kawlal bi en même temps di gënt di dox lool kok monde la bo xamantene duñu manam lu imaginal la voilà wala c'est image plutôt imaginal imaginaire lo xamantene ça relève de la fiction voilà mais monde la quand même bu réel en même temps c'est à dire que mom dafa nek entre réalité ak voilà manam ak né existé wul inexistence voilà entre l'existence et l'inexistence voilà alamul khayal monde la bo xamantene tamit nit ki bu ci dugg donc souvent daf ci duggé ci buy gënt buy nelaw manam bu moment bu muy nelaw xol bi lay amé ben puissance bo xamantene da fay gënn parce que yaram bi manam c'est à dire que les cinq sens là comme niñ koy waxé dañu affaiblir donc il y a un sixième sens qui se développe manam buy développé wu lool mom motax xolam di mëna dugg ci aduna bobu ci moment bobu mais amna benen affaire bu am ci xayal moy tay xam nga lutax nit ñi mënu ñu wéndi tamit moy amna lo xamne tay comme par exemple bu mo taxawé ci kanamu setu bi dina gis ben image bo xamantene da fay refléter wu dima jox sans bop ba paré man daf may lér ni ki du man mais en même temps daf may ci ben wall mais ci benen wall daf may lér ni ki mana manam lool moy xayal voilà manam moy lo xamantene c'est un monde bo manam parce que xamna ni image bi may gis ni non seulement existé wul fi mo koy gissé c'est à dire ci ginnaw setu bi mais aussi nekul ci setu bi ci jëmmi bopom ba paré nekul ci sama digënté man ak setu bi té lèr na man image bi existé na ndax ma ngi ni diko gis mën wa wéddi ak na xama voilà lool parce que dafa lool li gëna pratique ci li bok ci alamul khayal moy lool lo xamanteni kenn manam même nit ku musta gënt boko tégalé lool dina xamné li nga wax dëgg mais ba paré aussi nit ñi ñi duggé ci xayal comme dafa wuté moy man tay buma taxawé xol image bo selon verre bi nek sama kanam selon setu bi nek sama kanam manam reyaayam wala touti wayam wala yenn dimension yi ci la sama image di refleté wu leg leg mu jox ma image bu gëna touti man bi ma am leg leg mu jox ma image bi gëna reey bi ma am tay film bi tay bo mo filmé li ngay gis ci film bi mu no wéddi ne man la manam ci benn côté da ngay lér ni ci mana ki de Modou Moussa mini mais en même temps da nga nan du mom parce que ci benen côté aussi am nga yaqeen manam certitude que ni ki du mom té ñaar yépp deug lay do ñaar yépp deug lay do parce que alamul khayal aduna la bo xamantene mbolé mbir yi impossible dans la réalité manam ci suñu aduna bi fofu daf pas possible ba paré aduna la bo xamantene en réalité suñu aduna bi ci aduna bobu la bok parce que aduna la ba pare moy aduna bi gëna reuy bi borom bi bind subhanahu wa ta'ala moy ardullah alwasi' sufa si yalla fi yaqis parce que borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene dafa bind bon lolou dinañ ci ñew mais suf mais pour wax na manam xayal lolou fook ñu comprendre manam lolo tax manam le fait que mu nekk intermédiaire entre lu réel manam l'existence ak l'inexistence et en même temps mu nekk l'existence bi gëna yaa ko manam manam de côté mu nekk l'existence totale benen côté mu nekk l'inexistence totale le néant total lolu mom motax ñu tuddé ko barzakh moy motax ci yenn ibarat yi ñukoy wax alamul barzakh et que alamul barzakh xam xam la bo xamantene motax xayal mom lañ wax alamul barzakh le fait que par exemple muy am symbole c'est-à-dire que muy am ay réalité yo xamné dañuy jël ay symbole parce que alamul khayal lolo fam alamul khayal aduna bobu il y a que lo xamantene lu réel day jël symbole ba jël symbole lo xamantene dafa impossible mu soppé moy comme yalla yalla pourtant nit ñi mëna gis yalla ci gënt mu gis ko ak jëm te andak né yalla amul physique voilà leg par exemple mu gënt par exemple lo xamantene ci suñu aduna bi ni boko transposer en une réalité réalité bi mu lay jox moy lan moy xam xam par exemple mais yow nga gënt ko ci aduna bobu mu nekk mew moy lan manam nit ki suñu nelaw di gënt mu gënt day nan mew limi tek moy xam xam muy ñew ci mo mais rapport amna rapport bu direct entre aduna bobu kon ak suñu aduna bi parce que luy feñé fofu ci fi lolo tax ñuy mënd fi rijent en fait parce que sul lolo interpréter gënt day impossible totalement mais le fait que aduna bi ni bokku ci bobu mom motax ñuy mënd fi rijent yi mais comme par exemple mew bi buñu xolé amna rapport ak xam xam lolo mom motax xam xam fi ni di feñé fofu en tant que mew par exemple rapport mom moy le fait que mew moy aliment bu complet bi nga xamantene mom moy dundal lan yaram non la xam xam nekké li complet nourriture bu complet bi complet bi du nour wax par exemple et cetera topal lolu ci manam mbolé mbir yi nga xamantene bo genté li li lay tek genté li mu tek li et cetera légui le fait que mu nek kon monde bo xamanteni gënt gi xam nga gënt kon monde la bo xamanteni ay misal ngay gis manam donc muy symbole ay symbole la lolou mom motax aduna bobu ñu tuddé ko alamul misal en même temps manam kon xeyal dafa am ay tour yu bari bokku na ci kon lan alamul xeyal moy bi gëna ci moy en tout cas biñuy wax ni mu bi gëna comme dañ koy alamul barzakh barzakh bobu tamit dina ci ñewat legi inshallah lutax ñukoy wax alamul barzakh aussi dañ koy wax alamul misal dañ koy wax alamul maani manam moy sens pourquoi parce que yi nga xamantene dañu am des caractères abstract ci suñu aduna fofu day am ay caractères concrets ay aspects concrets lay am xolal tay lu abstrait comme voilà comme biñu wax sank xam xam dafa abstrait manam kenn mënu na la xam xam ngi ni ñu mëna ko lalti alors que ci fofu nonu day nekk mew manam bo xamantene lo xamne dafa concret voilà comme par exemple lo xamantene comme li l'INT bi ne sallallahu alayhi wasallam ne aljuma bu yowmal qiyamah xam nga les jours la aljuma ce sont des aljuma ñu ne tay la aljuma fim toll man lima ci mëna xam rek moy jant bi ni mu sooy ci et cetera ak yenn acte manam yenn mbir yu particulier yi mu ci yek wala yu ma ci def mais aljuma en tant que tel lo xamne bëbu jëm la bu ñu téyé en tant que tel en fait amul suñu aduna bi alors que bu yowmal qiyamah aljuma day ñew yor ben forme xalé bu jigen bu rafet par exemple jëf yi manam lepp ñu mëna yu arab yi arab moy phénomène lo xamantene c'est un phénomène c'est phénoménal manam c'est l'ordre du phénomène moy jëf un acte acte amul luñuy amul xam nga tay sama wax ji ni wala jëf ji kenn mënu ko manam kenn mënu ko jëmmal ay lay def na nangam wala wax na nangam kenn du ko jëmmal alors que bu yomal xamé dañ koy pécé dañuy pécé jëf yi c'est à dire parce que dafa ligue yor ay volume ak ay aspect concret yu mu yor lool mo motax nit ki su yéné su démé amé ben yéné ci def lu bax wala yoy dans notre monde rien ne se passe mais dans le monde imaginal donc da khayal amna lu fay xew moy da fay am ben nit ki bo yéré ben day am ben jëm jo xamantene day yor forme bu précise ak lan ak kul ki yor xet bu précise et cetera bo xamantene solo yéné bi lay doon ak rafetay wala ñaaway go xamantene day proportionnel ak yéné bi mu yéné bu de ce fait acte bi day mom moy contenir acte bi manam moy mbuss bi nga xamne mom moy contenir acte bi pour légui nak mo solo yéne bi ci lay amé doole mëna yégg wala mo duñ ko yéggi wala bok su yéggé ñu comptabiliser ko comme état lu bon wala lu bax comme le alcorane or in ilahi yas'alul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa ci mom la cadre yu tay yi di yéggé mom moy yéne bi moy kalimatu la ilaha illallah ba pare def ju bax mom lool moy yéggi def ju bax ci donc comme ñun suñu aduna biñu nek maintenant lutay ñu kon barzakh parce que xam nga nit ñi buñu déwé buñu déwé entre aduna ak lan Allah ak al-akhirah amna ben aduna buñu tuddé barzakh bo xamantene aduna bobu en même temps réalité yu fi dañ fi am mais réalité fofu dañ fay am moy tay xolal imaginer ki dé yow nga diko xol lula xolal rapport yu am ak xayal tay nit bu déwé ñu rop ko da ngay gis yow mi koy xol ci sam xel da nga nan ki dé dafa teud dafa dañ ko talal dafa nopi wala genre yoy manam dafa dé kon manam dafa dé complètement ki mom amul yëngatul dundou neko ci mom waxut defu dat alors que dans la réalité c'est-à-dire kon alamul khayal c'est-à-dire que ci barzakh bamou nek deug nga barzakh bamou nek day wax dañ ko yëkiti togal ko diko questioner muy ton ñukoy xéewal wala ñukoy mbugal té lool moy réalité bi comme ni nga xamantene non ngay fekke nit tudd di nelaw nga japp ni ki day nelaw instant bi ni yegul dara ndegate mom duggu lu ci benen aduna bo xamantene ma nga fay gënt ay affaire yu neex wala yu nakari tout simplement donc parce que donc manam c'est un monde intermédiaire isme ce monde intermédiaire la entre yi xew fi manam ak yenen lepp nak lo xamantene dafa nek monde dafa nek intermédiaire entre deux choses lolu barzakh la motax alamul barzakh dinañ ci ñew inshallah moy aduna bi nga xamantene moy li nga xamantene xam xam bi ci aduna xam xamu barzakh manam xam xamu alamul khayal moy xam xam bi nga xamantene nit ki su ci amul mémise bu total pris xam xam bu leer mom kokku mom moy lo kokku wajoju du ab arif billah parce que munul nek arif billah lulul xam xam bob daf ci am mémise bu clair voilà daf ci am ay précision yu leer ay fondement yu deuguer kecc xam ko xam bu wour parce que arif billah bi yow ni ngay meuna nekke de temps ngay meuna duggé de temps en temps ci gënt di wut dundu benen réalité mom non lay meuna nekke ni du to ñepp top muy dund benen réalité manam dugg ci alamul khayal ba kérok mais dafa bref c'est à dire que ba kérok ñukoy xëc c'est à dire que ki nelaw bu yéwo day dal di comme génn ci monde bobu ni ñu lolu arab bi manam bu démé ba yëg ba délo wat ko ak yëg yëgum yeg yeg gi mu andolon manam moy sens normal yi day genn ci contemplation bobu mu nekkon wala témoignage réalité yoy mu nekkon te xamou ko lolou fi genn voilà amna nak ño xamantene dañuy mëna bolé ñaar yëp en même temps c'est que nek ñu lucide fi ñu né et en même temps ñu dugg ci bo monde té lolou moy le but recherché manam ngay mëna réaliser ñaar yëp en même temps lotax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mom bu doon dugg ci alamul khayal bobu da ngay gis daanul motax mom nelaw daanul yak ñapam sallalahu alayhi wasallam lolou nelaw daanul yak ñapam parce que moment bi muy nek en même temps ci bir aduna bobu alamul khayal ci lay en même temps de transposer wu fi ni mu yek manam mu am yegum fi legui en même temps ce qui veut dire que ni amul ben intermédiaire bu dox digeunte ak par exemple nit ki xam nga bu nelaw ba genn rek moy nelaw yu profond alors que motax te lol mu model dox tax parce que puissance bobu mu amone ci du meun réaliser lol nga xamne xolam day yewu d'ailleurs lolou la doon wax biñ ko nelaw mu dara nelaw du juk meuna julli et cetera daaru yak yaaw mais dama ne parce que man sama nelaw sama xol du nelaw parce que mom xolam du nelaw sallalahu alayhi wasallam nit ki lu muy gën di puissant nak ci walu yalla tamit day dem niveau bobu day yek petit à petit ci niveau yu mel mom xolam du nelaw manam mom day nelaw mais xol bi day am ben day yewu nek ci di sikar wala muy xalat yalla wala muy nek ci di preoccupe et cetera alamul khayal alam la aduna la bo xamne manam barzakh plutôt barzakh moy lepp lo xamantene dafa dox digeunte ñaari mbir buñu xolé dafa am luñuy wax hadarati hadaray hadara bo xamantene hadaratul adam la moy l'inexistence totale le néant moy lo xamantene du am mukk te musta am te du am am benen hadara bo xamantene koku hadaratul wujud la manam moy fofu ben présence la bo xamantene li am sphère la bo xamne li am falay ne mais mu am ci digënté bi lu ñu tuddé xadar té koku moy yalla yalla mom moy wajibul wujub moy ki nga xamne en réalité mom rek existé lénen loolul yalla dans la réalité mo existé wu légui ñun ñu tuddu nak ñi ci dess ñu tuddu hadaratul imkan hadaratul imkan moy donc présence bi nga xamne sphère bi nga xamanté né possibilité yi fofu la ñu donk yalla da fay amal li day amal lan day amal liko ci neex ñakal liko ci neex ce qui fait que hadratul imkan bobu lolu da ngay gis mom moy barzakh entre l'inexistant le néant et li nga xamantene manam existence am dafa obligatoire ñaar ñooñu nonu amna seen digënté lo xamantene motax barzakh la parce que lan da fay yor toujours caractère ben ci ñaar yeureu comme di lañ ko gis ci bour bi nga xamantene manam bour reine bi nga xamantene dafa bëgg pauvre bi ci souf manam bi nekk ci bappo bi manam mënuñu ñom ñaar mënuñu dajé fenn ci ñaari dëkk yi ñaari kër yi voilà ki mënul dem ci neegu ñax bi bour reine bi et que pauvre bi tamit mënul dem ci palais bi waaji mom xamul palais il faut ñu am fuñu dajé do dina ci ñew leg inshallah ci texte mais xolal tay comme par exemple ben grain wu manam doomu bo xolé ben doomu pep dugut wala pep wala doomu gerté nga xol ko dafa nek entre luy dund ak lu dé voilà parce que ngoñ mi ci nangam yoy bu mu ki dem na après teud na dé mais bo xolé ki bi garab gi ci bop manam liko jox fruit manam xam nga doomu gerte gogou mom mo jox ngoñ mi nangam et cetera mu dund mais en même temps mom ni mu nekké ni mëno wax la da day dund comme nen bi rek ni mu nekké digënté ciuj bi ak ganar bi et en même temps manam mu nek du gënt lu dundul lu dé manam fimu toll ak yeneen ak yeneen yo xamantene man tout temps day am ben rapport bo xam day am ben réalité ci ñaar yépp en même temps voilà xolal tay par exemple kër motax alamul khayal li tax mu xawa jafé mu ki ñu préciser ko parce que lutax ñu taxaw ci ni ki moy dafa important en fait parce que soko comprendre yu bari ngay comprendre kër xam nga kër ak nak kër ak nak amna ben ligne bu nek sen digeunte bo xamantene mané fuko laal manam parce que ligne bi soko laalé yaangi soti kër bi wala yaangi ci nak mais ligne bobu amna té réel la mais sauf que dans la réalité ni mané fuko déterminer mais existe na lolou bo lolou lañ wax bar sax moy lo xamantene dafa dox digeunte ñaari mbir yu ne voilà et cetera donc alamul barzakh aduna la bo xamantene kon mais muy alamul khayal mom mo yilif yenen aduna yi manam parce que li nga xamantene mom dafa manam tay lu mu bëgg jël transposer ko fenen il faut mën na fa jaar voilà mais comme dinañ ci ñew ci détail inshallah lolo ñu introduire fof maintenant nak réalité mu lan la réalité moy dafa am ben souf fo xamantene borom subhanahu wa ta'ala moy souf sim bindé won mom adam alayhi salam ci koso moy banit gogo bimu ci bindé mom adam alayhi salam après da ka yatal ko ba nga xamantene mu manam buñ jëlone asaman yi souf ci kursi yu arach lepp dugul ko ci day melne ben jaaro buñu sanni ci Allah nga xamantene tout temps day am ay ñu ci juddo ño xamantene ñu dundu lañ motax loolu mom motax nit ki mat moy ci nga xamantene moy loolu tax arif billah bi di mëna delu wat fof loolu tax tamit lepp nek ciosano fof motax lepp ki ard mom lañ nane ardu simsima mom lañu tuddé ardu simsima souf sofu fof lolou moy alamul khayal awliya yu magi dañ koy xam dañ fay dugg mais lolou dugg bi bu physique mais leg ñu dund ko dund go xamantene day am ay réalité ci physique bi parce que comme tay par exemple am lu mbir yo xamantene dafa impossible comme tay par exemple jël lu reuy dugal ko ci lu touti tay xolam tay par exemple buñ né sal bi ñu ne ñu jël ko duggal ko ci ki bi ma teyé ni ñu tuddu goble bi ma teyé xam nga lolu ci xel rek da na la lolu man ta ne mais gis nga fofu lolu man na ne fofu comme par exemple benn jëm rek nekkando ci ñaari place yu wuté comme tay man mi ñu dima gis fi en même temps ñu dima gis ci benen place ma top fa manam dima gis ak sama jëm ji lolou xam nga man da ne ci suñu aduna mais pourtant ci alamu khayal mën na ne et que wali leg dinañu dem ba dugg ci aduna bobu réaliser ko no xamantene man nañu dem ba lolou effet bi feñ ci ñom manam ngay gis lolou bu boba mais lolou bu amé dañ nan xarbaax la lolou xarbaax lay amé ma meuna nek fi en même temps nek fenen ñu dima ko gis ñaar ñepp dima gis do may nek ci ñom ñaar en même temps aljana tam nit ñu fa nek non lañu nek aljana non la fay non lañu nek xam nga lool nak likoy indi moy le fait que ruh bi nek ki nga xam nga dafa dominant de telle sorte que xam nga tay ruh bi ni mu dominawé ni ci man par exemple mom motax suma bëggé xam nga suma xalaté gis nga suma xalaté bind suma xalaté tok suma xalaté taxaw suma xalaté wax et cetera ak yu mel non manam lo xamantene il suffit que sama imagination développé wu rek que sama action yi multiplié wu et que lepp ben roh bi mom moko yilif d'accord nañ ci lool légui cependant buma boudé aljana la li nga xamantene roh bo nga xamantene comme par exemple ben jëm ji par contre lepp ci ben jëm ji la nak mom ci ay jëmuy wouté la koy man ci ay jëmuy wouté voilà ce qui veut dire que man na nek fe di def li nek fe di def lenen nek fe di def lenen nek fe di def lenen du and yewu hein bon pare voilà bu fane lepp di dajalo ci même wax ci voilà donc lolu et cetera lolu xamna amna développement yo xamanteni di men ci gëna ñew ci biir texte bi inshallah ci buntu bobu maintenant ki nga xamantene mom moy kon lolu mom moy xala legui inshallah buñ duggé ci biir développement yi dina am yenn détails yo xamantene ci yenn précision yo xamantene dina ci gëna ñew mu ne kon alamul khayal aduna bobu aduna janer gogo ñu ne wa mu ne huwa alamun kumum aduna la haqiqiyun bu deug fi nafsihi ci jëmmé bopam aduna la bo xamantene dafa am une réalité parce que voilà xam nga liñ doon wax sank manam réalité bobu lañ la nit ci dugg ci anam go xamantene day jigi day mais nak amna num ci amna niveau bo xamantene atabiri rek ñokoy am manam wallu ñu mak rek ñokoy xam ñom lay ñom ñoo ci mëna dund xolal imaginaire comme li daalon al jawhari hein da daan neena dama duggé adine di dem farna ci hein neena ma rombu nil bi dexu nil gi may sangu mo duggu di sangu neena may sangu ba ci bamu yagg sama xel dem ci am dem Baghdad nek Baghdad am gisso ben soxna tak ko nek ak mom manam sey ak mom pendant 6 ans ma nek ak mom pendant 6 ans am ay dom et cetera manam nonu mu ko ki xalat neena le temps que ni mako xalaté nonu bom mu am ben genre comme inconscience dal ci bu inconscience bu dugg nonu leg mu sangu neena ma sangu bako ma yew ma gennat ci inconscience bi dal di yeggale sama cangay dal di genn dem bima deme mané bima yeggé xarnu mané sama soxna ah man day amna ben manam mu netliko liko dal nonu mais ni tek ci quelques mois buntu keureum ni feug ben soxna feug ni amna man Baghdad la joge yow ya ma takkon pendant six ans ni say dom lañ da munu ko weddi mom ci bopam bi mu gisee waj munu weddi ne ki effectivement ni ki mako takkon sama soxna la effectivement xali yi ma lañ jur mu munu weddi lol parce que dafa apparaître dans la réalité. Voilà. Lolu ce sont des ay réalités la quoi yo xamantene ni ki wul munuñu ko xam manam ni imprégné wul ci monde bobu munuñu ko xam voilà wala aduna la bo xam tane aduna bu réel la muna ñune muna aduna bobu muna wa muna wowota aduna bobu mahalla zururi moy beurebuk feñ kula muhalin lepp lo xamantene dafa jomb man tout ce qui est impossible moy endroit de manifestation de toute chose impossible moy aduna bobu manam mais dafa impossible bi hilatil aqli ci manam pexe xel wa bi quyudihi wala bi ci buumu xel wa bi quyudihi ak ay teunkam manam xel nim lan la li mën ta nek nangam li et cetera lol mom motax yow nga japp ne mën ta nek mais fofu non lol day mëna nek wa zalika munete lol misla amiratin kemuk bour manam moy princesse bo xamantene ahabat dafa sop faqiran ap waajo xamantene dafa ndul manam waaju ndul un pauvre fala tastati'u mom du am katan du man antuwa'idahu cimu joxante ak mom rendez-vous fi qasriha ci palais ba manam man munuko nako ma nañ den nañ joxante rendez-vous palais ba parce que waaju dafa pauvre xamul lool manam tay bu ñewon ci palais bi sax fof lay nek en fait bi di yemu ba rendez-vous bi jeex mais parce que mom xamul palais dafa pauvre hein waaw wala tastatiyo waye manul tamit anta saba ci mu dem ilayhi ci pauvre bobu ci waju bon ndol gogu fi kawxihi ci negu ñaxam ba manam waju am negu ñax la pour manam princesse bi tamit manul ñew ne wala reine bi munul ñew ne alors nañ kay ñu dajé ci mu ñew diko sét ci biir dekk ba num tudu negu ñaxam kon nu ñu def fa tawaadoo daf ko daal di jox nak ap rendez-vous manam da ko jox dig dajé fi makanin ci beurep bo xamantena wasatin dafa digg doomu baynal makane ni digënd ñaari bër bi légui mom buy ñew fa taxla day daldi simmi malabisal amirat yéri bour gi mu yoron manam yéri yi nga xamantene la fekk mu nekk princess moko waral ko dox wala bu ran ni dakoy dindi wa tadhhab mu daldi dem ilayhi ci mom mutax fiyatin di aji laqatu manam buy dem tamit protocole yim daan def yepp pour dem do ko defati day na di laqatu buy dem sakhir sakhir la deug wayal bas bu ko defé momit waji tamit buy ñew du jël yéré yu tibbi dandi xoté ko yim daan sol tout temps buy ñew day xaw sañce tout day xaw deug motax wayal bas day sol huwa mom ajmala ma li gëna rafet li nga xamantene andaw mo nekkon fa mom min asiyabi ci ay yéré kay bu ko defé yakunu mu nekk mutakhaffiy di aji laqatu tamit manam mu mëna dissimuler wu tamit ay dan batay wa fi hadha al makan te ci bobu beurep nak yahdasu ci lay xewé baynahuma sen digënté jamon ak dajé wa fana'un ak jeex manam extinction kenn ku ci nek da ngay mëna manam am jeex ci sa morom fala hiya bu boba lan fala hiya ndaw fofu dootul nekati amiratun ab bu do nekatu rel wala princesse wala huwa momit waji jamono joj en tout cas période bobu instantanément momentanément mom nekatu faqirun ab pauvre nekatu kudur sifatuha ay meloy ndaw si min sifat yi day dal bok ci melo bok sifatu ay meloy waji tamit min sifat ya day dal bok ci meloy ndaw si fa iza rajat way bu delu waté al amiratu bour manam reine bi bour bi ila qatri ci palais ba wal faqir deug waju ndolli delu wat ila tawxi ci hein meegu ñu xamna fal amiratu bu boba nak reine bi nak amiratu reine la bofu nak boba nak nekkat reine te nekkat bour deug nga wal faqirum aji ndolli nekkat faqiran nekkat ndol muna fa alamul khayal nak alamul khayal bim buñ lay expliquer pour nga comprendre après huwa zalikal huwa mom zalikal makan bobu le beurep al wasat bi nga xamne mom mo diggu doom khaytu fo xamantene yattasi dana yaat li tajalli al haqi ngir manam tajalli moy feñu al haqi bur bi yalla bi nga xamne mom moy deug watanuzulati ak ay waccam bi mi wacc manam moy liñu wax descente ay descente wala rencontre moy wala rencontre à mi-chemin yi nga xamne mom lay def hein bi sufat ibadihi ci ay melo jamm lool mom motax am na yu bari yo xamantene day exister comme yalla dafa yemo ci kaw arasam comme par exemple loxol yalla comme ni ah yow yalla da tek ci yow loxo wala yu mel non wala yalla ne par exemple demal ki manam yow yaangi ci samay beut par exemple tay buñu toge ñu jek ben way am problème jek mu faaju mu ne yalla dik na ak yu mel nonu yoy ay xéetu manifestation la lolou motax alamul khayal nek alam bo xamantene borom bi daf ci feño manam legui nak ki nga xamantene mom moy yo xamantene nit ki day japp ni li du won deug wala mom mu jappé ben mbir dara parce que dañ ko comme li mo xone yent yalla Moussa alayhi salam ne gaay bi ñu sanni sen ki sen boomi mu ne yu khayalu ilayhi annaha tas'a deeng gis nga baat bobu la jëfandiku yu khayalu ilayhi manam dañu def ci xelum yent yalla Moussa alayhi salam keni nga affaire bi mboum yi dañuy daw legui ay jaan lañ alors que dans la réalité duñu ay jaan ay mboum rek la lotax yalla nako a ni ko bu ragal en fait mais mom nimu daan gisé mbir mi dafa daan japp ne lan la ay jaan lañ lolou mom mo indi xay takhayul gog manam tay ki nga xam tane dafa nek ci alamul khayal di ci manam xam ko manam day gis comme ni lu mbir yo xamantene man ta nek yalla da def koy wax comme lu ñeen wax yeen sa wa ma ramayta iz ramayta walakin allah rama en fait yeen sa sam dafa jël jour badar dafa jël souf saniko yefere fiñ nek souf soso kep ku mu dal jour bobu soit ray nañ la ci yefere ray nañ la wala ñu emprisonner la yalla nak ni yeen tibbi sallama bi ngay sanni sanni wulo waye yalla sanni manam li ngay gis dans la réalité da fay wax ne la acc bo comprendre xayal manam aduna bobu nga imprégner lolo tax mu nek xam xam bi nga xamne mom moy xam xamu arif bi geuna mak bi geuna fondamental parce que xam xamu arif billahi yi ci geuna fondamental ñaar la yo xamantene yeneen xam xam yeb dañuy dugg ci suñu ron yoy ñaar yoy kep ko xamantene daf ci dugg xam ko bu baax ci la maari fam di maté mais ilmul barzakh bi ñuy wax moy bi ci geuna fondamental bi ci geuna fondamental mom mais benen bi ci dess mom moy moy ilmul khuruf moy xam xam yi aju ci xaraf yi xaraf yi mètre yi relation yi ñu am ak nombre yi ak univers bi réalité yi ñi dégager ci univers bi et cetera lool xam xam bobu tamit ñaar yoy ñoy yi gëna ñoy yi nga xam tane yeneen yi ci dess mën nañu dugg ci ronam parce que xolal lutax parce que nit ki suñu jakarlo ak ben réalité manam ci suñu aduna bi mom day gis ne li aduna bi la day gis ne li nangam lool moy ñi do arif yépp lool lañu gis mais kep mais ñi dugg ci manam arif yi nak manam moy ñi les connaissants manam les gnostiques ñom buñu gis dara dañuy gis tout temps yalla ay turu yalla yi melo yi ñuy manifester wo ci mbir yi yakarna lool bi ci aju ci bari gis gisoon nañ ko ci ñu nekk ci kunuzul haqiqi wala wala moy lool manam moy le fait que ngay gis tout temps lo gis rek mu yaaka d'ailleurs ci itlaq taqyir bi ba ci développer nañ ci parti yu bari ci buntu bobu moy lo xamantene yow man buma gisé ben affaire buma gisati mbir mi en tant que tel mais damay gis ni mbir mi li ni en fait dañ ko imaginer c'est juste imaginaire manam réalité bi may gis ni du réalité en fait c'est imaginaire la réalité moy ne yalla mo fi nek ak ay touram ak ay melom lool moy réalité bi mais lool ci le coma ci le coma mom pour mom li muy gis ni li ni mom moy réalité alors que non par exemple su gisee nit ku bax mom day gis manifestation baxuk yalla ci mom su gisee nit ku ko soxore ki day gis wala ku koy wax du ñaaw wala diko def lu ñaaw mom day gis manifestation bi boromam amé ak bi yalla am ci katan ak doole ci di def lu ko neex mom su gisee manam le fait que su gisee ay nit ni ñu koy xol mom day gis ne yalla mom mo koy xol à travers beutu nit ñi mom suy gis su ko kenn dégé wala yoy mu waxé nit ñi dégg ko day gis ne yalla mi ngi koy dégg à travers nopp nit ñi et cetera manam tout temps parce que day gis ne yoy yépp yu duñ ay réalité yi ay mbir la yo xamantene yalla daf ci manifester daf ci feñalé lan ay touram ak ay melom mom lool lay gis lool nak moy xayal ci bopam parce que xam nga ni yent bi ne sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko ne annasu niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw mais bu ñewoo buñ déwé dañuy yewu xam nga ki nelaw tay fim tollu ki nelaw moment bi mi nelaw di gentu mom pour mom mi ngi ci ben réalité a moins que mu am ben force de maîtrise bo xamantene ci bir gentu yi day yek ne mom li ci gentu la ne mais sudul lool suy nelaw di après bu yewoo da nan man de yewona dama don nelaw yewuna nangam la gent mom lool lay japp mais buñ démé ba yow mal xiyam manam bu démé day comprendre que ni ndégaté bim néké ci kaw souf en fait ci ay nelaw la nékkone ndégaté mais ndékaté bi mu déwé ci la yew lutax parce que day gis mbir yi ni mu néké ci deug day yew ci côté yépp réalité yi daf koy gis de manière claire manam dootul amati ci li nga xamanténa mom moy li aju ci walu yalla ci ak yenen réalité yo xamanténa mom bi mi dund fi xamuko won gisuko won parce que douzième mandat don nelaw mais que bi mu yew wol koy gis mom lañ doon wax né biñu gis biñu yexé ci al-aqlu sami gisone nañ ko manam que ni nit ko xamanténa nak man na déjà fi mu nek ni traverser étape bobu pour mëna nek ci yewuté bu boba day melni ki nga xamanténa dafa nekkon ci bir gënd am lu mu gënd mu yewu ci bir gënd gi ñu fi manam ñu ne ko ci gënd gi li lay firi té fa xam nga façon gënt gogou mo gëna dëgg manam nit tay bo gënté ben affaire xamul lu muy tek ci bir gënt gi nga yewu ci bir gënt gi ñu né la gënt gi li lay tekki bobu gënt moy bi gëna bobu firi gënt moy bi gëna dëgg wala moy bi gëna dëgg nit ki nak fi bu nekk ci kaw suuf day nelaw mais mën na am ben éveil bo xamanteni day commencé gis mbir yi ñu nekk dans leur réalité ci di jaamu yalla xamne yalla kat moy deug nangam nangam mën na dem ba am ben yewuté go xamanteni day yewu totalement de telle sorte que bu yowmal xiyam ñëwé en fait du am surprise amul lu bess lu mu jang xamone na ni yalla kenn la yenté bi la yalla yoni nangam réalité yu bari réalisé won nako paré amna xaqaay ko xamanteni dafa saxon ci mom ba paré dundunako ba paré motax téggu won na ci yoon bu djubbi lool koko na duruc bu yowmal xiyam jotté koko duruc lutax téggul won ci yoon bu baax alors que kenen ki nga xamanteni dafa nekkon ci nelaw yu metti yoy mu nekkon fi ci aduna rek xam nga lene dañuy gis nit ñi dañ ko wax ñu wara fi dañ gis de ben way bo xamantene mom dafa ki ñaan bay ko koku day nelaw xam nga parce que koku dundul réalité ni mu nekk nit nak buñu deew buñu deewé yowal xéam buñu fé day gis na ah motax ñuy gis ñaan hé mais man ba asana mi marqadina hada tam mo ñu yé ci suñu nelaw yi ñu nekké won manam dañu gis na nekete dañ doon nelaw legui ñu commencé yewu nañ nak legui wala lool moy ki wu xayal alamul xayal lool moy manam maîtrise bi ngi ci am xam ko lool moy avantage bi bon lool ben la ci avantage maintenant sunul won souf sos ñu doon wax amna ci la borom subhanahu wa ta'ala binde won mam adama rek salam motax mam adama dajale xam xam yup ci mom wala wa allama adama asma'a kullaha yalla xamal mam adama rek salam xam xam yep tour yalla tour yep mu xam lol la parce que motax nit ki buy di nek parce que te ñun kenn ku ne ci ñun amna ben parti wu mam adama bu ne ci yow kenn ku ne ci ñun que nit ki buy gën di explorer ci yoon bu baax parce que ñun ñëpp ay parti lañ ci mom adam en fait ci mom lañ joggé parce que après mam khawa mo ci dess alayhi assalam mam khawa ci ki far bi voilà ci lañ ko bindé ha buñ ko ci bindé ñun ñi ci dess ñëpp ñun mom lañ jënné kullukum min adama wa adama min turab yeen ñëpp ci adama ngeen giir na ci adama ci souf ci la genn souf lañu bind wala ñun ñepp fofu lañu genné ci souf sos lañu bokkon bobu la yalla yaatalé non mu contenir réalité yoy manifestation yi yalla di def manam a mi chemin la manam tay buñ togué né wa yalla dik na xam nga tay xam nga leg ma am problème bo xamantene da fay demé gi bo xamni kan moma ci genné ma jékki rek am ben result ben phénomène bu xew rek bu mu genn ci quoi legui dama nan yalla dik na bu deug xam nga man dama gis ne yalla dik na lool moy et ça c'est la réalité yalla mo dik lool moy réalité mais en tant que ku yewul ku ñu voilé parce que voilà duma gis ne yalla dik na et pourtant naka jek yalla ngi dik amna naka jek mbir mu ne yalla koy def mo koy administrer même man sama bëgg bi may bëgg ak samay choobar yi may am samay volonté yi may am sama choix de vie yi may def en réalité du sama yoss la ci biti ni mais bossu yalla la wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin do len am yeen do len sop mukk do len bëgg da lulul ne dafa neex yalla mo bëgg lool manam ne yalla bëgg bima am man volonté bima am choix bima am détermination bima am bossu yalla la mais daf ko feñale ci man maintenant bobu la wara gis ne ci alamul khayal manam en réalité ci alamul khayal tay buma yalla mayon mu koy gis ni damay gis ne réalité bobu dafa réel man dafa mat mom ra nga lo maintenant le fait que nga am capacité bob moy yow yaangi commencer dund ci alamul khayal bo amé capacité di réaliser lolu moy yaangi dund nak khayal donc alamul khayal manam nekul ci suñu bir aduna bi mais aussi gennu ci c'est un monde intermédiaire bo xamantene nekul ci suñu aduna ba par gennu ci alamul khayal lolo ci yeme moy moy nekul fenn ba par gennu fenn mais aussi mo dara gennul ci mom ba par de raniwul ci mom moy comme exemple bima joxe sank ci lan ci kemi gis ci setu buma taxawé ni def ni gis ni ben way ni di ci nek setu bi ni fim tollu munuma ne manam ci ben côté damay gis ni ki mana munuma ko weddi ki mo mana mais en même temps munuma taxal ne mana parce que mo xamna ni du man ci benen côté ba paré mom réalité xam nga li ni wax en fait djumbu joni non may gis ci setu ki may gis ni ci setu en fait amul fumu nekul ci ben lieu ki nekul ci ben lieu parce que man bima ko gisse gis na ni nekul ci fi mako gis non ci bit nekul fa voilà du ko fa fait voilà non ba pare man distance bima ko gis buma defé ni distance bima ko gis ni fait mais ken newu ba pare nekul ci setu bi ni en même temps ba pare nekul sama digënté ak setu bi mom nekul fenn d'ailleurs non lañu comprendre borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi bur yalla amul place bu mu ne amul ba pare yowmal qiyamati manam bu aljana ci aljana nit ñi dañ koy gis même fi aussi hein mais c'est que fi ni ngi koy gisé ak aljana ni ngi koy gisé amna toute différence mais budé arif bi mom daf koy gis bu baax budé fi lu ne mais nim koy gissé batay ci beut xolam la koy gissé du beut yi ni alors que boudé aljana la beut yi la koy gissé mais sauf que beut yi en réalité ci aljana moy beut xolam rek donc solo ni mu xamé yalla ak ni nga xamantene nonu la parce que ñepp buñu giss yalla aljana du ñepp ñokoy giss de la même manière kenn ku ci nek da moy giss solo sa puissance ngëm ak sa puissance ni nga ko xamé ko fini rek xam nga ñun tay fim tollu kenn ku ci nek même bu fekkene na xamnañ ni yalla amul jëm physique wala yoy mais amna sa xel ci lu muy dem manam tay buñ né yalla rek manam wala yoy dina am ben image wala budul image tamit en tout cas dina am ben réalité bo xamné dina muy présenté wu né yalla voilà lolou lañu tuddé ilahul mu'taqadat moy yéfer ñom safar dañu gis yalla non dédé yéfer dédé buñ gis yalla après dinañ gis melo yalla après lañ koy gis melo yalla lolo tax alfa na innahum yawma izin an rabbihim la mahmumun ñom bu fekkante ni yalla fepp la manifester wa lolo ma ci lo ci lolo lay ñew ni lolo lay expliquer manam en tant que yalla bi nga xamantene mom la wa aljana di gis di meuna gis ni ki yalla la comme niko wa aljana di gis diko gis ak seen beut lolo yefir yo bi safaram duñ ko gisee non parce que lan alcorane mom moko saxal mais ñom bis bobu dañ leen di neub sen borom lutax mo parce que dañuy silmax duñu gis mais nak dinañu xam ne parce que dafa bok ci sen mbugal moy le fait que yalla di leen mbugal ba pare duñu xam fan la mbugal bi di joggi mais buñ demone ba gis ne yalla la rek day gis mu daal di nek xewul ci ñom buñu gisone yalla rek c'est given bis bu deme ba gis ni ki may tek mbugal mi yalla la yowmal khiyamati manam day gis mbugal mi day dal wañe day dal tege voilà mais limi gis mom moy au fur et à mesure nak yalla daf len di feño ci manam ki wum ci katanam ci dolem ci sañ sañam ci di def lu ko neex voilà man le fait que mu am force bu puissante bobu doole ñom loolu lañu gis kon dinañ après au fur et à mesure nak dinañ di gis ni ndekete kokku suñu borom la motax ngay gis ñu nan rabbana ghalabat alayna shaqwatuna wa lam taghfir lana wa tarhamna naka ghalabat shaqwatuna naka sax fa in naka rabbana ghalabat alayna shaqwatuna wa wala wa kunna qauman dhalin wala rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna wala nga gis nak ñu commencé wax ak seen borom parce que légui nak commencé nañ comprendre que légui né seen borom mais lool day yag day fekk ñu nekk ci mbugul mi jamono yag do ko mëna gis wala suñu suñu li mo ni note nañu wala suñu texé di dal note nañu rek té ñun dañu nekkon ay nit ñoo xamné dañoo sank woon yow suñu borom genn ñu fi ñu nek akhrijna minha fa in qadna fa inna zalimun buñu delu waté rek yow yaa ñu fekk na ñun ñoo tok non yéféri bi dédet mais yéféri fi ñu nek nonu après day nek comme si manam en fait dafa am lo xamantene du deñ ci yéféri moy seen mbugal mi ñu nekké lool du deñ comme li alquran wa fil azabi hum khaliduna ak walahum azabu muqim ak khalidina fiha abada manam du deñ lool du jeex mais li jeex mom moy manam moy xam nga mbugal bi corporel bi bobu du jeex mais mbugal bi jeex mom moy bi ñu yek ci seen xol le fait que ñu commencer dem ba yek ne yalla mom ki takata ki yalla la na voilà lool mom ah man na no dem ba gis yalla ci lool voilà lool buñu démé ba fofu rek bi gis né manifestation borom bi mi fi et cetera voilà fofu voilà fofu voilà parce que ci côté xol bi boba da affaire bi day wañé wa moy le ki psychologique là la punition psychologique ak spirituel voilà plutôt spirituel voilà bon moy dem mais sino yete jeñu dess yeb day dañ ci sax mais dañu xamné ki leg yalla mo leen tek bugul ni voilà té lolou ci demu bop moy comme genre adjala ci ñom lolou mo motax bu motax safara day continuer ci buntu bop le fait que mbugal bi di corporel mais lolou yéféri la parce que yéféri fi mi dugg ci safar ak dul fi mi dugg ci safar lu ben voilà ayo comme ñu revenir sur sunu kiy lan lañ do wax voilà borom bi subhanahu wa ta'ala kon bir aljana nit ñi ni ngui koy gisse bokku ta tay fi ni ñun ni ngui koy gisse ñaar gisi lu ben mais lool nonu mom moy pour le commun sino ki nga xamantene mom dem na ba yenn niveau yi mom day gis borom subhanahu wa ta'ala mais ak beutu xolam lool mom motax gis yalla ni nane gis yalla moy gis ay turum ba pare du gis yalla en tant que physique dëll lool man tane mais limi gis ci yalla mom moy ay turum ak ay melom lool lay gis manam kiñ nane arif billah mom buy liñ nane day gis yalla manam ak xolam la manam ay turum ak ay melom lay gis c'est à dire que tay bu gisé ben dara ni comme ni limi li ni mom daf ci gis né li amna luñu tuddé existence mais lool li en fait existence bi du dara luddul lui manifester yalla mom moy wala existence am à travers le fait que li am existence mu gis lool mu gis ne dafa am forme mu gis ne ah comme li dafa am forme ce qui veut dire que ne ki defar forme yi moy al musawwir yalla mi defar forme yi moko defar ni mu gis ne li rafet na ce qui veut dire que ne yalla dafa woné manifestation rafetaay mom à travers rafetaay li et cetera donc plus connaissance am bi aiguisé wu manam par rapport ak lolu plus beutu manam clairvoyance am bi aiguisé wu di gën di ubéku plus muy gën di gis ay touru yalla ak ay melo yalla à travers ni mi jakar lolu sa su ne donc cette contemplation perpétuelle contemplation témoignage bobu nonu mom lañu wax gis mom lañu wax ar-ru'ya mushahada bobu mom lañu wax ar-ru'ya moy la vision mom lañu wax ni day gis yalla sino amul benen gis yalla comme niko ñenn chaan kan di waxe amul benen bo xamantene dañ nan waji voilà comme ni gaay di wax ni voilà gis na yalla mu nekk benn pala bo xamantene après sax d'ailleurs japp na ci sikki bi xecc yalla ñu yara sam amin ar-ru'ya voilà xam nga kon lool il faut que ça soit clair hein voilà yalla ndialla sam donc a alamul khayal kon nit ci dubbu nit ki nga xamantene day koy xam dafa koy comprendre mom tout automatiquement day comprendre réalité yoy non et que borom subhanahu wa ta'ala kon buru won souf sofu non am moy add sumu bobu ñu wax kon ki de mi rencontre yoy du mën ne voilà parce que fofu yalla da fay jël ay melo yi jambi mom lay wax ni mom lay wax ni ne akhbara khabarana ta'ala ajkawji mom bur yalla an nafsihi ci ay mbir bopam ala lisan rasuli ci lamine ndawam di mo yentibi sallallahu alayhi wasallam annahu ne mom kat yatabashashu manam ne day bit manam comme genre convivialité te xam nga lolu ci sunu xel parce que alamul khayal lutax ñuy soxla lolu parce que en fait ci sunu xel yoy dafa man tane dafa am bir yo xamantene ci sunu xel du mana ne mais bu de ci alamul khayal fofu manam arif bi ni muy jakarlo mbir mom mom day gis ne c'est une réalité alors que bu de ci ñun dañuy japp ne du réalité mais dafa am manam sens figuré la ñun non lañ koy mëna comprendre comme tay bu né yalla né ma tek na la beut wala comme par exemple ñu jël exemple bi moy convoyé réalité bi manam wala anguma xam nga lolu kiko am moy lan anguma kiko am moy kan moy comme ki nga xamantene dafa gis ben affaire bo xamantene dako dafa jek rek manam mbir mi xew te xaarul won affaire bi xew rek mu neex ko mu contane jovial voilà plutôt donc c'est le terme moy jovialité voilà jovialité manam mu contane e ki mais lolu xam nga ne yalla lolu dafa impossible ci mom mais impossibilité bi moy ci ñun fi ci suñu aduna bi mais bu re ci aduna yi hein ci alamul khay lolu réalité lay doon lolu mu ne ci note de barre page mune rawa solo na al hakim moy ibn hakim abu abdullah wa sahaba wiral na hadith bi wa ibn majah moy al qazwini wa ibn ahmad al imam ahmad ibn hanbal wa ibn khuzaima moy abu bakr wala moy ko imam al a'imma lañ ko dan dakatal imam al a'imma ibn khuzaima rahmatullah wa tayalisi moy abu dawud tayalisi mais bokk tak abu dawud borom sunan bi wa ki serignum lañ wala de nga ñom ñep solo nañ al abu hurara jël ci abu hurara taradala ala an nabi yantibi sallallahu alayhi wasallam annahu qala neena ma tawattara neena du dekke du wacc rajulun ab gor way jo xamne muslimun manam julit la ben way manam ab julit al masajid ci jakaji li salati ngir di julli wa zikr ak sikar illa lul tabashbash dana bege war dana wane mbekte allah bur yalla laho ñel ko kama kem ni nga xamne yata bashbashu non lay wane mbekte ahlul ghaibi ñanu aji fadu ji bi ghaibihim ci senu aji fadu iza qadima bu dikki alayhim ci ñom manam nit ki bu deme ci jakaji ni ngir ne lay sikar wala day lan day julli wala muy sikar day gis ne yeenbi sallallahu alayhi wasallam ne yalla day koy accueillir avec jovialité comme ni nga xamantene manam tay bu benn way manam tay bu nit tukki lu yag dal di dirus wat ci keur ci wa keur nit ñi contane buñ ko gisee manam yalla tamit non lay contane bu gisee waji dugg ci bir jakk ji dedet wala num koy accueillire non wala teru ko ak ki lol mais xam nga lolou buñu xolé da notre ci suñu aduna ñun lolou dafa impossible yalla diko def mais lolou vers manifestation la bo xamanteni ñun ñun niñ koy mëna déggé ci suñu niveau manam explication biñ ci mëna am manam moy niveau waawa mi moy né la moy né borom subhanahu wa ta'ala da fay dafa bëgg lool day bëgg ku def lool manam day jox ay tiaba yu bari ak day wone ak mbikté manam donc da koy fay gu dul manam gu bari ci ki nga day fay lu bari ki nga xamanteni mom moy la mom mo ñew ci tak di ngir né dafa bëgg dul ak ci kat alors que boudé lool moy niveau biñ ko mëna comprendre parce que sino benen niveau benen bi ci dess dafa impossible tout simplement alors que boudé ci alamul khayal nak arif bi mom day gis né ndekete li réalité la mom day comprendre né li ni mu ko waxé ni exactement ni la amé lolou mom motax bo sétlo massa waaw lolou xamna dañuy bay benen yoon ñu inshallah ñu développer pour point bobu parce que point bu am solo la mais nañ continuer ni mais ñu développer point bobu ci anam parce que dafa non c'est extrêmement important ci digënté li ñuy wax ci boudé ilmul kalam manam ilmul kalam moy théologie question yu melni dañ koy traiter ci di wax moy li ñu tuddé ayat istifat dañ koy wax tamit dañ na dañ moy ak ahadisi wa istifatul khabariyya dañ koy wax istifatul khabariyya dañ koy wax tamit istifatu sam'iyya lool ci ilmul kalam lool lañ koy traiter alors que boudé ci ñu tuddu ci lu do ci wala haqa yi ni ñom duñ ko tuddé nonu ñom duñ ko tuddé nonu ñom dañ koy tuddé rek comme retain comme yenen société yenen melo et cetera alors que boudé ci ilmul kalam fokk dañu obligé ci tuddé ko lolu ndax lutax parce que ilmul kalam da fay déparer ci lo xamanteni tout temps day logique d'abord day déparer ci lolu théologie manam lo xamné day agi déjà ci raisonnement bu lèr et que lolu mo motax manam moy ki nga xamantene dafa yëngu ci ilmul kalam hein mom day man day am ki da fay am tout temps ben manam day am puissance de raisonnement bu logique mais bu am doole bu doy war lay am manam ni mi raisonner parce que lutax motax genre yoy fuñ ko ñu débat dañ lay la non mom buñuy débat yow mom moy préparer xamna ni wajale la lutax parce que dafa am puissance de xam nga comme buñ xolé tariq ramadan bo gisé souvent muy xawa muy sonal tuba bi parce que mom dafa en tout cas da ngay gis bu ci waxtanam da ngay comprendre que amna kiw kalam bob manam amna initiation en tout cas ci ilmul kalam et que lolu mom motax alors que tuba bi mom xamul lolu te tuba bi dafa fogné gaay musuñu day mom tour mom julit ñu musuñu quoi amuñu xam xam bobu seen xel reewé wu non alors que li d'ailleurs bon comme effectivement wax nañ deug parce que julit ñi légui dañu délaissé ci bob mais xam xam comme genre bobu non motax ñi koy détenir souvent né non kenn mënta débattre ak non parce que tellement sen capacité de raisonnement et de d'analyse dafa pousser dafa pointu voilà ce qui veut dire que en tout cas ñom buñ xëssé ba convaincre ci ben idée ben avis té ñu convaincre ci yow so ñëwé té boko ak ñom à moins que nga am ben argument bu irréfutable mais à part lool bu dé ci xel rek ngeen di ték wax ni mom légui mu démonter la mom ci lu gaaw da lay démonter mom la tax muy sonal ki quoi muy sonal tuba bi voilà légui buñu délousé kon ci ilmu kalam ñom sen ki buñu wax ñom lool dañ ko tuddé sifatu samaya lañ ko tuddé sifatu khabariya moy melo yalla yi nga xamantene information yi alquran indi ak sunna yantou sallam ñoñu ko xamal sino ci xel ñun doonu ñu mëna japp né lool man na né ci yalla lool ce qui veut dire que ni lolo tax ñuy traiter d'ailleurs même ci ilmul hadith amna ci mais ilmul hadith duñu pointu ci ki bi duñ ci ki dañ koy expliquer vite fait mais ci ilmul kalam fofu mom dañ ci gën di approfondir moy liñu wax dañ mo lo xamantene muhkamat yi la ak mutashabihat ak ci alquran tamit amna ci moy ci ilmul tafsir amna ci moy ulumul quran moy al muhkamat al ak mutashabihat moy yi nga xamantene wax la yo xamantene dañu leer amuñu ben equivoque amuñu problème ak yi wax yi nga xamantene dañu equivoque dañu ambigu voilà donc dañu am ay dañu xawa dafa xawa déssé leer liko tax nak mu déssé mu leeru moy nan moy né parce que xélu nit moko dul yalla mota bo xolé borom xam xam yi nak ci wa ahlus sunna wal jamaa ci groupe bobu ci buntu bobu ñaari groupe la dafa am benn groupe bo xamantene ñom te ñom ñoy ashariyé ak maturidi ñom dañuy japp ne liñu mëna wax man de manière globale ñom loolu niñ koy firé ñom dañ nan ñun liñuy mazhab biñuy jëfël moy mazhabu ta'wil dañuy jëndelé wax ji manam moy dañuy interpréter wax ji manam wax ji duñ ko jël ni ci zahiram manam moy dans son sens apparent duñ ko jëlé non parce que dafa impossible dans le sens apparent donc lan lañuy wax dañ nan dañuy sé wax ji limu mëna yanu yépp dañuy xol contexte bi dañuy xol mot bobu en arabe lan la mëna lambo yu bari ñu xol nan lañ ko ci interpréter ci interprétation yu mëna jubbi am rek xam gi ñi xamné mën nañu joom ci niñ ko interpréter mais en tout cas dinañu permettre ñu mëna def luñuy wax at-tanzih tanzih moy lan moy révérence bi ñi defal yalla ci dindil ko lepp sorel ko lepp lo xamantene ak wañé kula parce que dañu xam d'emblée que ni yalla dafa mat et que lepp luy wañé ko da fay denc mom té par exemple doxalin bi moy xétu téroine bi ak ki lolu xétu wañé ko daf ci am ndax lan ndax ak mbettel manam ndax té yalla comme kenn duko bet mënta manam mënta né yalla dara xew ba bari fekk mom xamul won ni li narna xew mu bet ko xam nga lolu moy indi mbitti gogou nonou bu brusque bobu and ak jovialité di téru waji manam né di ñew na hé ah gis nga ak mbitté ganalé ko lolu mu moko indi manam surprise bobu ak té yalla lolu man tané ci mom vu que lolu man tané nak dañ nan ha kon affaire bi fokk ñu gëndelé manam fokk ñu interpréter ko nenen mënu ñu ko jappé ni rek dans son sens apparent motax ñom ñu dox ñu wax lool légui ce qui fait que nañ ko interpréter moy né yaalla daf koy jox ay tiyaba yu bari moy manam day doxal ak mom lo xamné né budul nit ñi non lañuy doxal ak mom lool lay tek ha da koy defal ay teranga et cetera manam kon bo di dem ci jakka ji nangam yaalla dalay defal ay teranga dalay defal ay xewal dalay et cetera yoy lay tek légui su fekkante né ñi nga xamné né ñom ñoy asariyé yi asariyé ci ñooñu moy ñi nga xamantene ñom mo comme ñom imam ahmad ibn hanbal rahmalahu moy seen serigne moy seen kilifa et cetera même bu fekkentene ashariyé dañu am tamit dañu adopter de temps en temps ñu ki wu asariyé yoyu ñom dañ nan lan ñom dañ nan ñun li ñu doxal mom moy at tafwid xam nga ñele lañ doxal at ta'wil ta'wil moy interprétation awwala ci awwala la joge bi tek interpréter gëndele ta awwala manam moy donc dafa interpréter bir mi da tar gi la fait l'effort d'interprétation et donc at ta'wil c'est le mot c'est le substantif voilà donc ta'wil lolou la def alors que ñeneen ñi ñoom lañu wax na dañu def la tafwid mu ngi joggé ci fawwada bi tekki joyal manam bayé mbiri comme na fawwatu amri wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ma ngi doyal suma lepp yalla joxnako lepp bayenako suma lepp ndax yalla mi ngi gis jaru ha kon tafwid moy lan ñom dañ nan tafwid moy ñun bu yalla ne da fay accueillir nit ki kay ak jovialité nono ñun dañuy comprendre que ni le sens apparent dafa impossible le sens kon ñom ñaan ni bokku nañ ci lool le sens apparent dafa lan impossible mais deugul mais xamnañ ni amna sens bu réel bo xamné ñun xamnu ko kon nak dañuy bayé sens bi réalité sens bi yalla gëm ko nim ko waxé lool moy tafwid lool mo motax bo xolé tafwid bu nek ben xet tawil la sauf que tawil la bo xamantene nangul duggu ci detail tawil bi manam interprétation la bo xamantene nangul duggu ci detail interprétation mais bo xolé tawil bi aussi tafwid la bo xamantene dafa nangul duggu ci detail bi parce que dafa ni xamna ni sens apparent ñom ñaan ñu bokku nañ ci xam biñu xamne sens apparent bi lan mënul nek donc second sens la am mais ñun xamuñu sens bobu lan la ni lolou lañ wax tafwid alors que ñi def tawil dañ nan xamuñu ban sens la yalla moko xam mais nak man nañu jima xam ci sens yi mu meuna yanu ci langue arabe comme alcorane ci lak arabe la wacce ak solo contexte bi ko alcorane waxe wala hadith bi ñu daali xol ban sens la ci wara meuna am and ak dañuy delu wat rek lay wax ne lolu batay sax wuru ne xam nañ deug deug mbir bi xam nga ko bo xolé ñaar yep presque ben la sauf que bi dafa détaillé bi détaillé teunk voilà top nit wa lol ci mutashabihat lañ koy defé voilà parce que mutashabihat moy wax yi nga xamne dafa leunt xam nga amna wax yo xamantene leuntul comme par exemple buñ né dé lan julli taxawul len julli lol wax kamati la manam dañ de non seulement de mais dañ koy jël dañ koy atté wo aqimus salata taxawul len julli dañ koy atté wo comme par exemple buñ né qul huwallahu ahad waxal na yalla kenn la lol tamit xamnañ ko xamnañ ni limi tek moy neel yalla kenn la té que dañ koy mëna jëfëndiko ko paré képp ko xamné ni gëmul né yalla kenn la dañ koy mëna att légui ci yéféré alors que ci mutashabihati lool du mëna né ndax xamuñu ndax dafa leunt mais ñen ñu néw ño xam lan lay ték légui nak alors que ñi nga xamanté né ñom ñoy moy arrasikhuna fi al-ilm ñi nga xamné dëgg dëgg dañu nuur ci xam xam dañu enraciné wu ci xam xam légui koku mom moy lan mom moy def lan voilà mom moy meuna xam tawilu mbir mi moy meuna xam la li lan lay tek mais te ñoom moy légui nak alors que bo xolé arif billah yu maki manam ñoom dañuy xamné li réalité la c'est que lool motax masabu akabirul arifi arifina yi radiyallahu anhum ñoom dañ né manam ñoom niñu gisé mbir mi moy né ah ñun mën nañu xam lan lay tekki parce que ñun xam nañ né baat bi deug la yalla bu ko waxé ci awami manam le commode mortel c'est quelque chose d'impossible mais en fait ñun xam nañ ben existence souf ben existence aduna moy alamul khayal bo xamantene yalla fofu lay défé manifestation bi muy wax ni fofu lay manifesté wo donc comme que fofu lay amé ñun wax ji ni mu nekk deug deug non la nekké mais sauf que ci aduna bobu la amé pas de comprendre lool mom mo la différencier ki bo lool nak boko xamé da ngay dali xam lu bare bare ngay xam en même temps moy souf ci yalla su yaatu ci nga xamantene nit ki su amé ubéku une ouverture illuminative spirituelle souf sauf lay dugg manam lool la manam di réalité bobu lay saisir comprendre né en fait ndekete ah d'accord affaire bi ndekete ni lay démé lool mom motax toute une série de sciences dañu dévoiler wu ci mom man da koy comprendre légui do lu nek ci lu compliqué ci mom da koy comprendre voilà parce que lutax parce que day xamné ndekete yalla dafa am ñaar mbir yo xamantene dafa essentiel dafa am luñuy wax az-zat moy l'essence mu am al asma wa sifat moy touru yalla ak melomi jeex bu fekkentene yalla en tant que zat manam essence am moy nekam koku comme niñ ko gisse won mutlaqal dafa absolu indéfini illimité nek dans le mystère du mystère du mystère amuñu ci accès et cetera lolu du lolu kon ni mu nekké non lolu benn mbir la maintenant ci touram yi ak melom yi lay manifesté wo tajalliya yi les manifestations les théophanies mi ngui koy défé à travers ses noms et attributs lolu nak soko xamé donc ce qui fait dire que yene voilà et que lolu moy soppé lolu mom moy am par exemple manifesté wo xam nga motax ci alamul khayal nit ki sou réaliser comme xam nga li tax ñu introduction bi ñu taxaw ci yagg ci pour bok comprendre nga comprendre une bonne fois pour tout ce qui manam da te sotte buñu paré ci exposé buñ ci paré mais alamul khayal day leer ci yow ba paré manam xam xam bi nga xamantene moy base connaissance maarifay mom bu la nexé do ta ko lajé kenen ki bi bo xolé ñun ñu nekké ni xam nga instant bi ni ñun dañuy japp né comme instant bi ni li ñeul gis manam de manière visible moy man ma ngi wax ma ngi yekiti sama loxo ma ngi def ay gestes et cetera lool ngeen di gis mais dans la réalité du lool dans la réalité moy ne li ngeen di gis ni ay effet la ay effet la yo xamantene mom la yalla décision yi mu jël ci alamul khayal di def ak dindi de manière perpétuelle continue mom ngeen di gis manifestation bob mo nek ni ngeen di gis mais du man may def lolu mais que ni yalla moy agiré nonou man dama jël sama exemple mais c'est un exemple qui est valable pour toute chose et pour tout le monde lolu moy réalité hein voilà exactement mais lolu nonou yoyu nonou parfois daf lay meun rek delo ci raison bi mais que lolu li mom moy la réalité bi nga xamné tout temps lolu am yalla rek mo fi nek di def ak didi et que yenen yi ci dess yeb ci sa imagination la ne rek manam yow ya imaginer ni en réalité li moy xew man manam li ngeen di gis ni effet yi li du dara du effet yi la mais en réalité yalla rek ka fi nek di def di dindi et que c'est tourum yi ak melom yi rek ka fi nek di manifester wu qu'est-ce c'est ça la réalité lolo tax ngay gis comme que toute chose à chaque fois lolo mi ngi xew di def di ki ak yoy lolo mom moy firi aya bi ne la kullu yawmin huwa fishan tous les jours yalla mi ngi ci programme mi ngi ci dara manam tous les jours mi ngi manifester mi ngi wone mi ngi genné di feñal ay mbir comme ni hadith bi nek ci sunan ki ci sahih ibn hibban rahmatullah alayhi yantibi sallallahu alayhi wasallam ne manam limi tek moy yu'izzu wa yadhillu wa yarzuq mi ngi yekiti waté mi ngi waccé waté mi ngi lan mi ngi wërsegalaté manam c'est-à-dire lolu ay titre indicatif c'est-à-dire que limi manam tous les jours amna luy xew et que yoyu di xew ay dogalu yalla la yo xamné nak ay manifestation touru yalla la ak ay melom ci alamul khayal yo xamné day am effet ci suñu aduna bi lolo tax mu nek ciosanu xam xamu arifi parce que tout chose dépend de l'autre ba dafa am lolo tax non d'accord voilà donc c'est ça lolo faut comprendre diga comprendre mais une infinité de connaissances en même temps ngay comprendre lolo tax ñu ñom ñuy wax nak ci sen langage di wax ne nit bu nekké ay day daal di commencer dugg ci ben aduna bo xamantene da ci am 70000 science yo xamé né ci science la koy xam et que ci bir yaramam la né da koy explorer lolo la parce que bir yaramam en fait bir yaramam moy souf soosu ce n'est que des particules de cette banitu mam adama bobu alayhi salam rek mo composer suñu yaram yépp ñun ñépp rien d'autre voilà donc finalement nous sommes ci biiram nek exactement en réalité lola tax nit ki nek aduna bu mag bi le monde bi ngay gis ni ce monde là bi ngay gis l'univers en fait yow nit en tant que nit ben ki nga nuskha nga manam ben genre miniature voilà ben copie en miniature bu univers mais en même temps univers bi mo ne ci sa bir yow tamit tout l'univers mi ngi ci sa bir lola tax gison nañ ko ci kunuzu haqaiqi la bëgg wax voilà hein inma wasa'aka al-kawn min haythu jismaniyatak walam yasa'aka min kawn min haythu ruhaniyatak aduna bi mom mo lo contenir mais lool moy buñu xolé sa corporeité buñu gisé sa yaram ni dañu gis na aduna bi mo lo contenir mais suñu xolé côté ruh sa esprit aduna bi yow ya ko contenir voilà bingo kon voilà lolu soko comprendre legui nak pour djegalé ndariñ li moy amna luñu wax tash bi xam nga tay comme exemple biñ joxe sank manam exemple bi manam masala biñ waxone né dañuy xaar bu benen yoon mom mu di lañ ko traité yakarna di ngeen moy né pour différencier entre mais dafa am deux visions des choses ci wa ahlus sunna wal jamaa moy tafwid ak ta'wil mom lañu am mais bo xolé salafu salih moy buñ xolé jamono sahaba ay radiyallahu anhum tabi'i bo leen xolé ñoñu seen vision des choses tafwid lo d'ailleurs ñom seen vision des choses sax en réalité mo nekkone vision bi wa ahl ki am ñi ñu tuddu arif billahi wa ni ñuy gisse à travers le monde imaginal à travers alam khayal parce que ñom tout temps bo xolé seen wax yeb dañ dan wax nan gem nañ ñu yalla waxe manam yalla bu ne dafa yemo ci aratam lam ko gi wala yalla dafa am loxo dañ koy gem xam nga yalla rewane dafa loxo ak yalla ngi ci seen kaw loxo wala ngeenel ci loxo ak yalla la ne moko jox ko ne inna fadla bi yadi la yutima ya loxo ngeenel ci loxo ak yalla la ne moko jox ko ne ha xamul na dano alquran lolo maintenant xam nga legui ñun wa xam nga wa ñi def tafwid lan lañ wax ñi def ta'wil bok ta'wil limi tek mom moy ñom dañ nan lool limi tek dal moy day wax rek ne ngeenel yalla mom moy jël décision wu jox ko ku ko neex lool rek lay tek c'est-à-dire que mom moko yor moko mom et que keneen mumuko lool lay tek manam lool le fait que mom ko de telle sorte que daf ci am puissance bo xamantene dakoy tii say ko nexé ku ko neex mu seddu ko ci lool le furé loxo manam lool la wax ngir wax loxo parce que niñu xamé ni nit ki tay bu waxé né bir mi de ci sama loxo la né moy comme ni bu tii dara ba tii ko da xam ni li mom mi ngi sama loxo fim tollu baye xam nga tay même dañuy wax né non bir mom dina ko top baye ko ci sama loxo xam nga and ak né xam nañu né tekki wul né baye ko ci sama loxo yi mais limi tekki moy baye man lolu man amna puissance amna xam amna katan amna sañ amna doole pour mën ko régler lolu rek lay tek voilà donc ñi nga xam né dañuy def tafwid ñom non lañuy wax dañ nan ko lolu lay tek ñi def tafwid ñom luñu wax dañ nan ñun gëm nañ né yalla bu né loxol yalla ñun dañuy xam né loxol yalla amna non la mais sens premier moy biñuy déggé ñun ci loxo té mom moy membre du corps bobu di nekk ci nit ak animaux yi lolu tékki wul lo xam nañ ni lolu tékki wul lo da na impossible ci yalla lutax moy impossible ci yalla lutax wa mais lutax ok parce que yalla du physique mais lan moy wone ni yalla amul physique corps physique lu wone ni yalla amul corps physique damay fatali ben bëss am ndaw so xamne dañ doon waxtaan bo mo jëkkeer ñu tok ñuy waxtaan ni mu am ben way bu ne ñu neex bu ñu neex ne dafa ni won xawma ci bokku yalla nangam ma reetal ko nek melni non mom xamul ni sax yalla amul bokku ko ndaw si ne ma lutax nga ko maniko mais c'est parce que amul jëm monuma non mais lutax lolu nu man lutax nga ko maniko non defal na legui dès le départ dama bëgg nga japp ne manam nga japp dès le départ que ni li ma lay wax ni nekuma di waxtaan ak yow parce que dama bëgg ñu waxtaan dama lay expliquer lo xamantene xamoko nga war deglu mo wax loxo parce que lolu il faut moi parce que sinon dañuy fogg ne da ngeen di waxtaan quoi et que da ngeen di joxante échange d'idées la voilà non dama lay expliquer pour nga comprendre voilà légui lutax yalla ak ngani yow yalla amul jëm parce que wax ni mën présence bi connaît quoi c'est mon dieu non mais lolu ci melom yi la attention ça c'est les attributs ces noms et attributs à travers ces noms et attributs ci la manifester wu fu nek lolou mom motax ñuy faral di téré expression comme par exemple yalla mi ngi fepp parce que sinon am jami bi bu ko déggé ami moy ki jangul wala ki nga xamné jang na mé jangam sori wu wala bok jangam sori na waye sori wul ci domaine bobu domaine théologie day fogg ne yalla mu ngi fepp limi tek moy dafa tassaro en tant que ben physique bu tassaro fepp voilà alors que limi tek rek moy à travers ses noms d'attributs donc ces noms et attributs se manifestent partout lolou lay tek legui mais lan motax amul jëm mais lutax amul jëm parce que duñ ko gis kessé mais ñun ah dé ñun amna mbir microbe ñun duñ leen gis té pourtant amna jëm amna yeneen mbir yo xamantene amna ñu jëm té ñun duñ leen gis parce que ordre manam longueur d'onde yi nga xamantene mom mo la tax ñun ñu mëna gis longueur d'onde yoyu ñun wala amuñu ko manam suñu vision mënu ko am mais ñun par exemple amna yo xamne ñun mënuñu ko gis yenn animaux dañ koy gis et cetera wala kon lolu du moy raison bi tax yalla amul jëm hein ah wala manam la physique dama soxla lan te yalla amul mais lan motax matière gogou ñu manam waaw mi ngi wax manam waaw soxlawul matière pour exister lool lu koy wané lan moy wané né yalla soxlawul matière pour exister comment ko créer voilà lu créer wu la voilà et que yalla moy créé c'est à dire que en gros li la moy né yalla su amone physique bo gis dafa am lu composé wu ba né xatfel ha physique ba non mais attention parce que bo jëlé jëfëndiko baatu xat dafa subtil physique il doit continuer quelque part alors qu'il y a le... non voilà maintenant nous voilà. Imaginer dara lo am physique ba pare amul volume bu mu occuper de l'espace voilà te amul volume bu mu occuper de l'espace voilà lolu mom xam nañu man fa nek voilà tay par exemple casse bi ni gobelet bi ni mu exister ni c'est parce que amna la amna volume bu mu occuper de l'espace maintenant munuma imaginer existence volume bi est-ce que c'est sans sous bi sans imaginer wale en même temps fimi occupé limi occupé cet espace voilà mais ça c'est pas une démonstration voilà mais lolu hein voilà mais ça c'est pas une démonstration parce que tu pars du postulat que exactement lolu la wax nak voilà alors que lolu mom motax lolu du démonstration bi démonstration bi moy né su amone physique day am composé parce que lepp lu am physique amna ay éléments yu ko composé et que éléments yoy ko composé ñom ñotax mu meuna né et que su fekkonté né kon yalla dafa am physique limi tek moy avant éléments yoy ko composé di dajalo pour meuna créer wu moy yalla existé gul won lool lay tek et que kon bu fekkonté né existé wul won moment bobu kon lan lay tek moy na amna départ amna fumu tambalé té amna fumu tambalé jëmmé wax ji amna fumu tambalé moy jëmmé li wané né amna fumu yëm waaw lepp lu am fumu tambalé day am fumu la fumu yëm voilà té lolu moy wané manam kon jëmmé ki bob moy wané kon dafa ba paré bu fékonté né lolu amna bu fékonté né kon manam yoyu dañu composé won kon ba mu mëna né lol limi tek moy avant muy nek han lolo ko opon do la te lolo fi nek te kon bu boba mom da fay soxla ko defa parce que sinon munu ñu imaginer lo xamantene dafa am te dara amul ko voilà et donc ce qui veut dire que mom existence am dafa lan dafa pré éternel ba paré dafa absolu moy amul lu ko composé lolo tax baatu samad as samad di tekki lolu di tekki ci absolu di tekki lo xamantene amul bir amul biti yalla lolu amul bir amul biti amul kaw amul souf voilà Alors, légui ñu ngi doon wax ba yex ci lolu non lolu après andugal na ben terre no tashbi wa ah ma sha Allah yo ya gi ci beur voilà voilà voilà amna ben terme bo wax tashbi voilà salaf salihin voilà voilà salaf salihin kon ñom sen bo xolé sen vision des choses ñom tout temps dañ nan la gëm nañ yalla lim wax gëm nañ comme l'imam shafi gëm na li yalla wax gëm na li yenen ci bi wax salaf salihin man gëm na ni yalla wax dum na yalla gëm na ni li yalla wax lamu nam ci lam wax gemna yenenbi sallalahu alayhi wasallam gemna li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax gemna lamu nam ci nam ko waxe manam bo xole kon ñom façon vision bobu lañ dan wax voilà ñom dañ nan wa ñun de gem nañu yalla gem nañu tamit lepp lo xamantene dik na ci terem bi wala ñu mo ñew ci lamine yenenbi sallalahu alayhi wasallam gem nañu ko ci lepp lu wax ci yalla duñu ci wax dara ñom daanu ñu def lu dañ ci daanu ci wax dara dañ nan ni nga daan jangi non nga daan jangi ngeenel ci loxol yalla la ne duñ fi nek di wax di set lan la wara tekki wul li ñom daal niñ ko déggé nañ ko jappé tout en sachant que ni tekki wul comme membre bi voilà al ñi tawil ñom gis nga li ñu wax nañ la sank li ñi ko ñom niñ ko interpréter ñi def tafwid ñom dañ nan xam nañ ni tekki wul membre bi mais xam nañ ni amna lu muy tek mais ñun xamuñu ko kon dañ ko japp baye yalla bo xolé motax méthode bobu salaf salihé ñom bobu lañ daan gënd utiliser surtout sax biñu gënal jégué moy bi wa akabiru arifi ne wax ni moy bi ñi gis biñu nekk di gis ñun façon vision bobu mom moy bi gëna mucc façon vision bobu mom gëna mucc ci melo yalla yi ak turum voilà moy ni réalité le bo xamantene ñun daf ñu dépasser parce que monde bi mi manifesté wo ñun saisirun ko bam def ñu yalla may ñu saisir ko voilà ñu voilà ni et que voilà manam compréhension biñu ci wara am ni moy la bonne compréhension qu'il faut mais comme que du compréhension bo xamantene dafa adapté à tout le monde et que du accessible à tout le monde lol mom motax mu nek lo xamantene ñom dañuy préférer ban ci wax parce que dañuy xamné seen wax day tantay tassaro ci awami ñepp diko xam mais comme ni nga xamantene voilà compréhension biñ ci am ci expliquer ne que ni ci alamul khayal la et cetera et que fofu parce que fofu la manifestation yi di amé du ki et cetera lolou mom motax muy mëna nek réalité bo xamantene ñun duñ ko gis ak suñu bëtt ni diko dégg suñu nopp mais ak suñu xol lañ koy gissé cette réalité bu ñu gissé ak suñu xol so arriver comprendre ko depuis biñ tambalé tay biñ paré ni su dé comprendre ko lolu lu mi tékki moy né amna bénn dévoilement bu la yalla défal manam bénn rideau bu nékkon ci sa bëtt xol bu yalla yëkëti ba nga mëna mos manam bu nga mëna goûter réalité bo lolou lay tek voilà légui tashbih moy ma jël melo yalla manam mané comme li ni gis ni manam man ma japp né comme yalla wax na né da koy def man ma japp né ma imaginer ci sama xel né man ni la mel wala manam ni la def wala bok mané comme bu né ngeenel ci loxol yalla la né ma imaginer sama xel né comme man bu mané sama loxo bi li lay téki mais yalla tamit amna loxo bo xamantene dafa aju ci jëmum manam ci essence am gisso lolu fofu nak la wouté ak gis du arif yi né fan lañ wouté sunu essentiel la arif ñom dañ xamné yalla essence am en tant que essence dafa nek dans le mystère total mystère total amul kenn ku ci am accès amul l'essence divine est insaisissable inaccessible par tout le monde Voilà. Dans le mystère du mystère du mystère, dans le très fond du mystère. Fofu la né. Mais liñu li ci dess yépp di manifester wu du essence bi. Lan la? Azatu wa asma'u wa sifatu. Ce sont les noms du Yalla yi ak melom yi la. Et que donc tout tourne autour de là. Lolo tax ma'rifa du traiter essence Yalla. Ma'rifa. Djimmi ma'rifa xam nga lan la? Buñ nane diou arif la. Moi, il arrive à déceler et à connaître et à comprendre la manifestation des noms et attributs divins. C'est ça la connaissance. C'est ce que je veux dire. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est contenir la connaissance. Voilà. Légui lan mo woutélé gis gis bi ni ak tashbih. Tashbih ni def moy mushabbiha yi. Mushabbiha moy les gens qui font le tashbih. C'est-à-dire le tashbih en français, c'est l'anthropomorphisme. Voilà. Moy ma djël melo yi Yalla, melo minde fi. Ni ma koy comprendre, ma associer ko ak melo Yalla. Par exemple, tay buma né ñoo comme wahabi di ni ñi def ñom dañu wax ne yalla bu ne amna loxo rek ñun dañuy gëm ne loxo la mais ñun lan moy xolal luñu wax xamuñu lu yalla mel motax xamuñu loxom ni mu mel parce que xam nañ ni loxol nit ak loxol gayne ak loxo fas du ben deug raisonnement bi loxol nit ak loxo gayne ak loxo pitch loxo fas du ben au moment où xamuñu kon na yalla mel nonu lañu ñak réré nan la loxo mel donc ñom loxo bobu dañ japp ne physique la voici lool mom motax ñom ñu def tashbih loolu tax ñu nekk ci erreur c'est à dire que pas fiñu djoumé moy le fait que ñu associer cela pas aux attributs et au nom mais dañ ko associer à l'essence alors que boudé wa ak arif yi ñom dañ ni non l'essence benen affaire la qui est absolue insaisissable méconnaissable illimité voilà indéfini voilà yalla rek moko xam mom rek mo ci am accès et c'est fini dans le mystère du très fond du mystère des mystères contrairement ak lan ak tourum yi ak melom yi nga xamne dañuy manifester et à travers manifestation tourum melom yi dañuy xamne tour yalla par exemple le fait que ñu gis manam lu rafet dañuy xamne nekete yalla dafa rafet voilà le cas jama il a manifesté ça le fait que ñu gis an bax nit ki ñew bax resan ki wax la wax du rafet du wax du neex tera defal la tera nga dañuy yalla dafa tedd le fait que ñu gis nit ko xamantene dafa am doole katam du gi di def lu ko day xamne yalla tamit non la mel dafa am katam dafa am doole dafa et cetera le fait que ñu gis manam lolu parce que yalla moy manifester ses noms et attributs à travers ses créatures lolu et à travers toute chose et événement lolu mom moy gis nga lolu soko saisir et que dans toute chose ngay am présence d'esprit bo présence du cœur bi meuna gis lolu bo demé ko meuna def lolu moy arif lool moy maarifa sa du lo xamantene du lu gaay di laqatu di ki du lo de non si il faut mu leer degré de compréhension degré voilà non degré de compréhension mais qui demande un dévoilement voilà parce que xolal yéfir bi mom il ne pourra jamais gis nga meuna dégg wax ji djunni yon jamais il pourra avoir accès à ça pourquoi parce que mom man ta comprendre lolu manam lolu dafa reuy ci mom non c'est la nature mom lolu la koy tuddé c'est la nature qui fait les choses mom voilà amou fi bu fi kenn wax lenen lolu fi wax da ngeen di yakh c'est la nature bala ma dé ñu nan dieu yéfir bi mom non lay gissé affaire voilà parce que nous comprendre tu vois parce qu'il n'a pas ce dévoilement là amul dévoilement bobu hein faut que l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Exactement. Voilà, donc il faut qu'on comprenne l'eau, non, attention. Ça demande un dévoilement, et parfois un dévoilement, mais boubou-kabé. Ce dévoilement pour l'avoir, quelle est la stratégie? Voilà, il y a dévoilement boubou, méthode, l'eau, moi, est tarbié. C'est-à-dire, l'eau, la tarbié de tarbié. C'est l'éducation spirituelle. À travers ou entre les mains de maîtres connectés. Maintenant, méthode, les maîtres qu'on peut utiliser, il faut beurre. Voilà, il faut beurre. Il y a des gens qui ont des écarts. Il y a des gens qui ont des écarts. Moi, dañ lay dañuy fexé défar ci jikko yi ba paré et cetera yi am ño xamantene sen méthode c'est plutôt un enseignement là, c'est-à-dire que moment biñ lay jangal affaire bi moment bobu lañuy en même temps lañuy déverser manam lañuy déverser les flux lumineux ci sa xol en même temps dévoilement bi exister c'est que ni ngi déggé wax ji mom ngay comprendre réalité bi. Voilà, amna ño xamantene donc ño xamantene tamit méthode yu bari lañu utiliser amna ño xamantene tamit niñ koy amé moy juste par himma moy le quoi ñu yitté lañ koy wax mais amna ki buma bëgg wax ci xaw ki baat tuba bi voilà en tout cas c'est quelque chose bo xamantene le fait que mu tok xalat wala mu xol la wala mu manam a travers lolou da lay meuna defat voilà wa am ño xamne par le regard am ño xamantene par nuyo biñ lay nuyu am ño xamne par le fait que ngeen waxtanoro am ño xamne par le fait que ngeen togo ndo lekando am ño xamne et cetera manam façon yep amna amna nak maître yo xamne amna ño xamantene nak a travers toute chose meun nañ la ci defat donc amna ño xamantene donc amuñu méthode bobu précis ñom dal tout dépend rek ci xal bi len yalla diké ci moment bi té ko xal bobu lañ lay dindé voal ba daf mëni la voix c'est à travers le sophisme daf mëni il faut toujours un maître quoi ko xam nepp dans le sophisme mënu am ñen dévoilement su amulé cette idée de maître connecté si mëna am une part de ces dévoilements mais pas le dévoilement totalement. Dédé, munu ko am. Voilà. Mais dañu bari, amna ño xamantene dañuy tarbiyeux mais des centaines ou des milliers de personnes sans nit ñi xam kan la. Sans nit ñi xam le. Ni ñi togué non lañu togué. Nek ñu simple comme tout le monde. Alors que ñi ngi défar ay jouni nit en même temps. Mais par des canaux yo xamantene ay canaux yu physique la ha barzakh moy en fait ñaru zone tampon la entre ben milieu sur le milieu réel bi ñu nek ni ak le milieu Non, alamul khayal tout bopam moy barzakh. Voilà, c'est-à-dire barzakh c'est un tampon là, manam donc intermédiaire là entre deux mondes. Quel que soit entre deux choses différentes, barzakh qui le dit. Barzakh moy différent, moy lepp lu dox entre ñaari bir. Lolu lañu tudde barzakh. Gis nga tay xol frontière ñaari bir digënté ñaari rew barzakh lañu tudde. Gis nga ñu mur bu dox digënté ñaari kër bar sax lañ koy tuddé. Gis nga tay bo xolé xol amna ben jour ma ngi am fuma dem ci campagne bi. Gis kër go xamantene mais lu yéne lool dafa ma délo vraiment ci alaw bar sax. Manam kër gi bo xolé kër gi ni la démé. Ni comme ni mur bi nga xamantene manam benen kër gi ci dess tabakh bi nek ni tabakh bi ci jardin ki la manam mur bi nga xamantene mom moy mur waje bi te keur gele ci jardin wu ki la ne manam bâtiment bi la bëgg waxuma ki bi clôture mais mur manam mur tabaxam comme ni ñu mel ni tay fim toll fi ni comme fi gis nga ci souf bo duggé xam nga fi ngay jëkke dugg avant nga yexé hall bi hall bobu nonu par exemple mom mo nek mom moy jardin wu benen kër gi ci jardin wu benen kër gi la bok mais que mur bi manam fi ni mur bi mais comme fi dafa teju fofu kër gi la bok benen kër la c'est à dire que même mur bi en même temps mën nga ni ci kër gi la bok mën nga ni ci kër gi la bok après ma laaj borom ne ko mais est-ce que hein Voilà. Il n'y a pas de séparation, vous voulez dire voilà. Voilà, ça fait de l'eau voilà, exactement. Voilà, si tu as un cœur, tu as un cœur qui voilà. Hein? Non, non, pas pas bon. Mais madame, yow, bâtiment, c'est n'est-ce pas? Bâtiment, c'est bâtiment, c'est bien. Bâtiment, c'est bien. Tu y as bien au Kéren Kéren, madame, c'est espace. Voilà, tu verras l'espace de la mer. Voilà. Madame, tu es bâtiment, c'est mon grand Daniel. Fok, fok, fok. En fait, en même temps, Mangi, ma. Voilà, tu es voilà. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, voilà manam barzak moy lool manam lo xamne ah meunte bok fi manam mene fuko bolé fé mene fuko bolé fi ba paré en même temps meunte ko bolé fé bolé ko fi non c'est dévoilement là oui c'est quand tu regardes dans certaines par exemple des films, des séries à la télé, par exemple. Ouais. Dans ce monde, imaginaire. Sur les références, il semble. Hein? Films à la télé. Non, mais. Ce monde imaginaire-là, là. Tu vois, il y a des cinéastes qui vont. Même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils vont penser, par exemple. Parce que. Tu vois, des. Mais ils voient quoi? Ils voient quoi? Ils montrent quoi? Qu'est-ce qu'ils montrent? Bah, par exemple, dans le tout à l'heure, je parlais du miroir, quand on se voit dans le miroir, quand on se voit plus. Ça, c'est. En fait, il y a des mondes imaginaires entre le réel. Ouais. Eux, c'est-à-dire que quand ils ont pensé par exemple au film, ouais. Ils ont pensé à ce monde imaginaire entre le réel. Et oui, mais oui, mais ce qu'ils n'arrivent pas, ce qu'ils vont jamais arriver à comprendre, c'est exactement ce que j'ai dit qu'ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire voir les noms et attributs divins à travers tout cela. Voilà, c'est ce dont j'ai dit que c'est une chose qui est inaccessible aux mécréants. Et c'est ça, parce que côté bobu rek le mécréant mënu am. Lolu mom motax lég lég yenen côté yi yéfiri mën nañ ko am. Parce que le mécréant peut avoir une spiritualité. Comme yenn bouddhiste, comme yenn prêtre, yenn rabbin, etc. Ils arrivent à avoir une solide spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est juste le fait de dominer hein, l'ego. C'est-à-dire que nous, vous devez vous amener, l'esprit qui est dominé, et là, il faut avoir accès à beaucoup d'autres choses. Khalal qui quoi amène tel imaginez quoi amène tel maintenant tu as fini, dis univers, tu peux m'ouvrir dis, dis maintenant tu as fini dis Abdul Maram, de qui tu parles le fait quoi, tu as fini par exemple, dis lui qui est à venir, mais lui vous dites mon tour là, tel par exemple, dis le fini. Buñ fi bindon ben tour yalla ni muy jakkar ak mom duko gis pourquoi parce que justement mom sa son illumination ou si on peut s'exprimer ainsi est ténébreuse Voilà. Voilà, lool rek la. Lool mo motax côté bobu yéféré djulli ñi ñoo ci am. Man na ki ñu ko mëna amé lool ko mëna amé. May tok ngay xalat, may xam li ngay xalat. Diko gis ni ah loolu djulli mëna nako am yéfer mëna nako am. Wa, sauf que différence da nga né rek. Ante li am ci alamu xéyal mom ay conséquences alamu xéyal moy am fi sauf que ku koy xam ak moko xam ak ki ko xamul ko. Voilà. Et que tout n'est que manifestation des noms et attributs divins là. Voilà. C'est-à-dire c'est celui qui est dévoilé. Pas même pas tous les musulmans, celui qui est dévoilé. Et que celui qui est voilé ne voit jamais ça, il ne voit que le monde matériel. Mon pour moi, monde matériel rek am. Du gis réalité. Voilà. Mais de temps en temps, nous disons, selon son niveau, parce que de temps en temps, Allah se manifeste de manière tellement claire que nous ne pouvons pas voir. Moi, comme l'un d'entre vous, nous qui avons un problème, j'ai fait, y a une solution, mon ami, y a le dicton. Là, il voit la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette manifestation-là, il le voit maintenant. Mais dis, mais tous les jours, y a le dicton. Voilà, exactement, il y a le musulman du mais il ne voit que quand il est dans les difficultés et qu'après il vient de l'étude. C'est là où la manifestation devient vraiment claire, manifeste. Bon, on y est encore. Inch'Allah. الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين